Le temps passe vite et nos vies sont courtes. Bénis le Seigneur que je guérisse mon cou. Le soir je bois et la nuit je pense. Faut bien qu'un jour je finisse de me pendre. J'entends cette voix qui me dit de faire. Et puis les autres qui me disent de fuir. Le bien, le mal, je ne sais pas qui suivre. Y'a même des moments je ne sais pas qui suis-je. Un ange en moi, puis le diable en lui. Mais lui c'est moi quand on parle en nuit. Je parlais d'amour au sein de ma conscience. Mais mon subconscient veut que je parle en lui. Des fois je suis là et des fois je sais plus. La vague impression que mon cœur s'est tu. Qu'on me persécute, qu'on m'en perce des culs. Il est temps pour moi que je cherche des thunes. Je n'avais qu'un souvent mais pas envieux. On m'a suggéré qu'il faut croire en Dieu. Déçu par la foi devant mes échecs. Il est temps pour moi que je croise en mieux. Maman, papa ne m'en voulaient pas. Je trouverai confort dans les bras de la psy. Addict à la tisse, marqué par la vie. Je veux être un héros, oh, regarde ma petite.